William de Newburgh rapporte trois récits dont chaque personnage est lié à une localité précise. Ce sont des spécimens de beaucoup d'autres qui se sont produits en l'espace de quelques mois. À Berwick-upon-Tweed, Écosse, le fantôme de Berwick était celui d'un homme riche qui avait eu une vie scandaleuse. Après son enterrement, il sortit de sa tombe par le moyen de Satan, comme on le croit, et courut à travers les rues, pour chasser par une meute de chiens en aboie. L'horreur qui suivit força tout le village à l'intérieur de leurs portes après la tombée de la nuit. Les gens du peuple craignaient que le fantôme les harcèle, et les plus éduqués craignaient avec discernement que le passage de cette chose, allant et venant à travers les rues, engendre un fléau ou peste, ce dont on a de nombreux cas similaires. Le revenant était apparu au moment qu'il se faisait emporter par Satan, et avait laissé savoir que le seul moyen de se débarrasser du démon serait de brûler le corps jusqu'aux cendres. Par conséquent, ils employèrent 10 jeunes hommes solides pour déterrer le cadavre. Ils le coupèrent, membre par membre, et les brûlèrent. Et en conséquence, le spectre ne fut plus vu.